just a part to fit. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? It's all I ever had. Redemption songs, all I ever had. Redemption songs, these songs of freedom. Songs of freedom. Bien, bonjour tous, à vous toutes et à vous toutes. Eh bien, on a pu commencer l'émission avec trois titres différents. Le premier c'était Garou en duo et puis suivi de Lily Harmony. Et puis juste maintenant, eh bien, on a pu entendre Bob Marley. Donc, eh bien, bonjour à tous et à vous toutes. Et puis aussi, hein, bonjour à Lily qui m'a gentiment demandé ces trois titres différents. C'est pas fini avec d'autres chansons différentes, avec tout simplement, eh bien, il y aura France Gall, suivi de Joe Dassin et puis tout simplement Claude François. Je vous souhaite de passer un bon après-midi en ma compagnie. Donc, eh bien, voici donc les suites des chansons. Oh,

Voilà pour plein, je vous laisse avec d'autres chansons différentes. Voici donc l'Élise avec une des chansons toutes nouvelles. Et puis juste après, ce sera Céline Dion et puis Cédric Collard. Donc le titre s'appelle Déclic. Bonjour, c'est l'Élise sur Radio Arc-en-Ciel.

pense qu'à toi. Je compte tout pour toi. Tu seras fier de moi. Un jour, papa, tu verras, je serai là. Au plus haut des podiums, tu seras avec moi. Bien le chaud, tu verras, entendras mes mots parler de toi. Si ce matin triste arrive trop vite, auras-tu en toi le son de ma voix? Ces mots sont pour toi, le sourire qui n'est pas. J'aurais beaucoup donné, ça ne suffira pas. Ne suffira pas. Mal va t'emporter, t'éloigner de moi. Mais n'oublie jamais ça. Les chansons sont pour toi. Right.

The blood that flows freely is a part of no return. Sultan possédait en Afrique, dans un de ses jardins, un rosier magnifique. Mais un jour un chameau entra dans le jardin et mangea le rosier pour apaiser sa faim. Le sultan furibond manda ses commissaires et s'armant d'un grand fouet pour calmer sa colère. Et invite-t-il les fouetta jusqu'au sang, puis il les renvoya en leur recommandant. Arrêtez les chameaux, les petits et les gros, patatri, patatro. Les papas, les mamans et les chameaux enfants, patapim, patapon. Les gros et les petits, je m'en moque, tant pis. Prévenez le bourreau, mettez-les au cachot, patatri, patatro. Tremblant, mourant de peur, les pauvres commissaires tinrent un grand conseil, un vrai conseil de guerre. Il y fut décidé qu'au milieu de la nuit, on arrêterait tous les chameaux du pays. Mais un petit chameau apprit toute l'affaire par un vieux chamelier et prévint tous ses frères. Les chameaux alertés s'emplirent l'estomac, virent des provisions, et quand le soir tomba, on put voir les chameaux, les petits et les gros, patapri, les papas, les mamans et les chameaux enfants, patapri, patapon. Les gros et les petits s'échappaient dans la nuit, tandis que le bourreau aiguisait son couteau, patapri, patapon. Le général chameau qui dirigeait la fuite aperçut un lapin galopant à leur suite et dit en s'arrêtant: lapin, où donc cours-tu? Le lapin répondit: moi j'ai tout entendu et je suis général. Je tiens à l'existence, je connais la justice et je n'ai pas confiance. Je ne suis pas chameau, mais avant de le prouver, le juge et le commissaire m'auront fait zigouiller. Et mon papa m'a dit, quand j'étais tout petit, patatro, patapri, apprends donc à courir avant de réfléchir, ça pourra te servir. Tu le vois, j'obéis, je me mets à l'abri. Je n'ai rien que ma peau, mais j'y tiens beaucoup trop. Tant pis pour le bourreau, allez messieurs au galop, patapri. Juste un instant, c'était Annie Cordy, et puis donc voici Olivier Reich. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Et puis juste après, ce sera du reggae avec tout simplement Pierre Mackenzo. karma, maître du bio, dans mon ratio, gardez le cap sur le partage, prochaine étape, devenir sage, suis-je un bon gars, malgré tout ça, j'ai l'impression, parfois dramer à fond. Je fais de mon mieux pour être sympa, pour trouver Dieu. Avoir à cœur de faire le bien, ça met le malheur hors du chemin. Oui, mais voilà, on casse les mains. C'est pas facile de se rendre utile. Suis-je un bon gars? Malgré tout ça, j'ai l'impression à quoi dramer à fond. Suis-je un bon gars? Je fais de mon mieux pour être sympa, pour trouver Dieu. Ou prendre le large sans être inquiet, tourner la page, tout entrevoir, tout bien trier, les vieux tiroirs comme l'amitié. Suis-je un bon gars? Malgré tout ça, j'ai l'impression parfois de ramer à fond. M'attirer, me toucher.

de moi qu'ils sont dans des problèmes. C'est à cause de moi que la ville est mal menée. Mais putain, ni avec sa voix de petit. Du Portugal, et bien un petit coucou à Florian, tout simplement qui aime aussi les chansons. jamais aimé qu'elle parmi toutes ses filles. Ses yeux, sa voix, son corps, ses doigts, tout ça n'appartient qu'à moi. Ce sentiment d'amour vraiment, je le tiens entre mes bras. L'amour déçu, et je veux tout gagner pour elle, ses fruits défendus. Quand elle me dit qu'au paradis un Dieu n'attendait que nous, moi je me dis que par ici même l'enfer me serait doux. Peut-être que demain sera un jour meilleur, Même si on perd la foi, plus rien ne nous fera peur. Peut-être que demain sera un meilleur jour. Peut-être que demain sera un jour meilleur. Même si on perd la foi, plus rien ne nous fera peur. Peut-être que demain sera un meilleur jour sur Radio Arc-en-Ciel. Quelques notes au piano résonnent comme un écho. Entends-tu cette musique, cette douce mélodie qui résonne dans la nuit et qui fait tant de bruit? Laisse-toi juste entraîner par ce rythme effréné. Allez, chante avec moi, danse, danse avec moi. Allez, chante, chante avec moi. Danse, danse avec moi. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Allez, chante, chante avec moi. Juste le temps d'une soirée, la tristesse, les ennuis, les soucis de la vie. Danser pour s'évader de cette réalité. Laisse-toi juste entraîner par ce rythme effréné. Allez, chante, chante avec moi. Danse, danse avec moi. Chante, chante avec moi. Que reste-t-il au fond des riens, des îles?

d'être roi de ma reine comme un adolescent. Elle traverse mes rêves, je ne veux plus la quitter. Chaque nuit sans pareil, nous a réunifiés. Elle reviendra demain pour mon plus grand plaisir. Car chaque nuit sans elle, je pourrais mourir. Car chaque nuit sans elle, je pourrais mourir. Bonjour, c'est Leïli sur Radio Arc-en-Ciel.

donc Servi Campos et puis juste après du piano avec Magali Comar qui sera ce week-end, et bien tout simplement qui va arriver à Blois. We all have story. Dans ce monde que tu...

ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Et si je meurs en partisan, oui, tu devras m'enterrer en haut de la montagne. Et bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, m'enterrer en suivi de Eric Casero avec son titre tout simplement Les yeux. Mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi encore un peu. Un jour, deux jours, huit jours, laissez-le-moi encore un peu à moi. Le temps de s'adorer, de se le dire. Le temps de se fabriquer des souvenirs. Mon Dieu. marche au pas, ne regarde que devant toi, méfie-toi bien de tous tes frères, ne passe jamais la barrière, écoute bien ce que je dis, répète-le et dis merci, installe-toi dans la routine, avance, pose le pied dans la machine. Je veille au grain, ne t'en fais pas. Travaille, consomme et tais-toi. Garde à l'esprit ton intérêt. Promis, je te protégerai. Fais confiance à ceux qui te guident. Du sommet de la pyramide, ils sont le sang, la vaseline, qui maintiennent le rythme du cœur de la machine. Applaudis, danse, amuse-toi, fais porter le son de ta voix dans les micros de mon école, celle des stars et des idoles. Je ferai de toi un winner si tu deviens mon défenseur, comme ces médias qui me câlinent et qui jamais, jamais ne dénoncent la machine. Même Pantin sous les ficelles, impliquez-vous, marquez vos camps, les blancs bonnets ou les bonnets blancs, faites vôtre leur discours, tandis qu'en battant le tambour, leur bouche noire qui dégouline, répète inlassablement celui de la magie. Reste tranquille, ne bouge pas, ne lève pas le petit doigt, sois l'anonyme ou le troupeau, et contente-toi de ton lot. Si un jour te venait l'idée de t'affranchir, de me défier, ou de ne plus courber l'échine, de te mettre en travers du chemin de la machine, je te briserai en morceaux. Jetterai au corbeau, gardien du temple de la haine, qui te finiront dans l'arène. Alors enfin tu comprendras que de la naissance au trépas, sans jamais que tu ne devines, chacun de tes choix était prévu par la machine. Qui s'appelle Kinza, et puis juste après c'est Isa, tout simplement Isa. Voilà, donc les deux titres différents. Mon âme surfe sur trois passions, musique, danse et la chanson. Entre les trois ma vie balance, une main chante, les autres dansent. Ma voix se glisse entre les rires, sur les portes et mon cœur s'aligne. Et dans un élan de confiance, en long balai mon corps s'élance. Et moi je caresse les mots, je m'en à la main. Je m'évade sur mes refrains. C'est comme si tout autour de moi, les barrières n'existaient pas. Lorsque les doigts sur mon clavier s'échappent en toute liberté, j'ai plein d'images dans ma tête. Plus rien au monde ne m'arrête. Et moi je casse les mots, je m'envole sur la musique, je rythme ma vie au tempo de mes trois passions acoustiques. J'attends de moi toutes les angoisses, la scène reste mon oxygène. Oh, les notes s'entrelacent sur les mélodies qui ce besoin de danse. Quand sur les planches je me lance, elle fait vivre mes chansons. En mille étoiles, mille frissons. Et moi je casse les mots, je voyage sur la musique, je rythme ma vie au tempo de mes trois passions acoustiques. Elles sont lancées en moi comme les premier amour, elles me suivent pas à pas, fidèles comme au premier jour. Donne-moi presque 16h30, et bien voici les programmes qui sont juste après moi, puis mercredi. Donc à partir de 17h, vous allez retrouver Francky juste après, entre 19h jusqu'à 21h, pardon, 21h. Bien sûr, vous allez retrouver avec Christophe, avec Ulrich Choc. Et puis demain, à partir de 9h jusqu'à midi, vous allez retrouver Victor. Et puis en début d'après-midi, donc mercredi, entre 15h jusqu'à 17h, avec micro ouvert avec Valérie. Suivi de Valérie, bien vous allez retrouver Irène avec La vie comme elle va, entre 17h jusqu'à 18h, 18h jusqu'à 19h30 avec Violette traditionnelle, 19h30 jusqu'à 21h avec David, ça va le faire, et puis juste après jusqu'à 23h30 avec Wim. Donc pour les émissions différentes. Et on continue toujours avec les chansons différentes. Bonjour, c'est Céliane sur Radio Arc-en-Ciel. Retrouvez-moi avec l'album Effervescence. Supporter à une vie, chaque annonce de tuerie. peu Georges Avera et puis juste après Mimisa. Quelque chose en nous de désir, cette volonté de prolonger la nuit, désir fait de vivre une autre vie, se rêve en eux avec ses mots à lui. Quelque chose de Tennessee, cette force qui nous pousse vers l'infini. Il y a peu d'amour avec tellement d'envie, si peu d'amour avec tellement de bruit. Quelque chose est ici. vous laisse avec deux titres différents. Le premier, c'est la différence avec en duo avec Lily Harmony et puis Lilise. Et puis juste après, c'est Sébastien Gravier. Voici donc les deux titres. La différence, celle qui dérange, une préférence, un état d'âme, une circonstance, un corps à corps, en désaccord avec les gens trop bien pensants, les mœurs d'abord. Dans mes nuits, elle